vengeance de Pandora. Petite diablesse, au moins es-tu admirative. Laisse-moi. Qu'espérais-tu entrevoir là? Petite vipère, maintenant tu es ma captive. Tourne. Laisse-moi. Plus étrange encore que tous tes rêves te décriront. Comment penser à moi, l'ignoble bête qui connaît l'enfer, mais en secret rêve au ciel, mais en secret, Christi. Au-delà de tout, tu peux aussi voir l'être humain, mais non le monstre, cette horreur sans nom qui te terrifie, mais en secret veut te plaire, mais en secret, en secret. Bon, il faut partir. Les deux idiots qui tiennent mon théâtre vont te chercher partout.